Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission sur le thème de l'évolution. Habituellement, quand nous parlons d'évolution, nous sommes avec le professeur Cyril Barrette qui nous parle d'évolution, disons, grandeur nature en termes de comportement animaux qui seraient sélectionnés, par exemple. Mais que se passe-t-il à l'échelle de la cellule? C'est ce qui intéresse Christian Landry. Il est professeur au département de biologie à l'Université Laval. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en biologie cellulaire évolutive. Il a publié plus tôt en février un article dans la revue Nature qui remet en question un principe de la biologie évolutive. Et il est avec nous au téléphone pour nous expliquer cette étude. Bonjour Monsieur Landry. Bonjour. Alors si je comprends bien, vous étudiez les mécanismes de l'évolution au niveau de la cellule, mais pour étudier ces mécanismes au niveau de la cellule, en fait, on fait comment? On prend des organismes unicellulaires? Oui, on peut prendre les organismes multicellulaires, mais dans ce cas-là, il faut se ramener au niveau des cellules individuelles. Mais effectivement, pour faire les travaux qu'on fait en recherche, on utilise un organisme unicellulaire. Dans notre cas particulier, c'est une levure. Donc, c'est la levure qui sert à faire du vin, de la bière et du pain. Donc, tout le monde la connaît, cette levure-là, mm-hmm. mais on sait pas qu'elle sert aussi à faire de la recherche. Mm, donc, non, effectivement. Ouais, comme elle est unicellulaire, ben, ça nous permet de simplifier beaucoup les choses, d'aller examiner directement au niveau de cellules individuelles comment l'évolution fonctionne. Mais est-ce que vous allez voir aussi au niveau du génome? Parce que bon, quand on parle d'évolution, forcément, c'est la transmission des gènes aussi. Exactement. Donc, est-ce que vous allez voir au niveau des gènes, au niveau du génome, ce qui se passe? Exactement. Donc, une chose qu'on peut faire quand on étudie l'évolution, c'est qu'on peut étudier directement le génome, voir comment il évolue dans le temps. Ou encore, ce qu'on a tendance à faire aussi en tant que biologiste, c'est d'étudier des choses qu'on est capable de voir et de mesurer, comme vous disiez en introduction, le comportement des animaux, la morphologie des animaux. Mais entre ces traits-là qui sont visibles à l'œil nu et mm-hmm. le génome, il y a plein de traits qu'on appelle des traits moléculaires qui, eux, sont invisibles. Donc, il faut utiliser des outils spéciaux pour les étudier. Et ces traits-là sont des traits qui sont, par exemple, la séquence des protéines ou la structure des protéines, ou comment est-ce que les protéines dans la cellule fonctionnent ensemble. Mm-hmm. Donc, on est à quelque part entre la surface de la cellule, mais donc le microscopique cellulaire et le très microscopique génome. On est dans un espace qui se trouve entre les deux. D'accord. Et donc, je disais en introduction que votre recherche ébranle un principe de la biologie évolutive. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel principe il s'agit? Oui, donc un des mécanismes importants d'évolution, donc et d'évolution des nouveaux caractères chez les espèces, c'est l'apparition de nouveaux gènes. Mm-hmm. Donc c'est l'information qui est contenue dans notre génome est contenue sous forme de gènes et les organismes comme la levure qu'on étudie ont 6000 gènes environ. Les humains en ont entre 25 000 et 30 000. Donc on a tendance à voir que les espèces un peu plus complexes ont plus de gènes. Et une façon par laquelle les espèces acquièrent des gènes, c'est par duplication de gènes déjà existants. Ça veut dire que c'est simplement, ils se doublent. On en avait un, puis la cellule se divise et on a la cellule fille à deux gènes. Exactement. Donc, pendant la division cellulaire, dans toutes les cellules humaines aussi, à chaque fois qu'une cellule se divise, elle fait la machinerie moléculaire qui réplique le génome, fait des erreurs. Donc, une des erreurs qu'il peut faire, il peut introduire une erreur dans la séquence. Et ça peut mener, la plupart du temps, ça n'a aucun effet, donc c'est pas visible. Dans certains cas, ça peut mener à des effets néfastes, comme par exemple le cancer, ça se développe en partie à cause de mutations qui s'accumulent au cours du développement et du vieillissement, et éventuellement, ça peut donner des manifestations comme le cancer. Mais un des types d'erreurs que la machinerie de réplication fait, c'est de recopier, si vous voulez, deux fois la même séquence d'ADN. Mm-hmm. Ou encore, pendant les mécanismes de la reproduction sexuée, il y a un descendant qui pourrait avoir deux copies d'un gène et l'autre descendant n'aurait aucune copie du gène. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que le nombre de gènes peut augmenter. Et après la duplication d'un gène, donc les deux gènes qui ont été créés, ils sont identiques. Donc, ils sont, ce qu'on dit, redondants. Donc, oui. Ils contiennent la même information. Donc, à partir du moment où ils contiennent la même information, ce que ça apporte à la cellule, c'est que la cellule, peu après, elle pourrait perdre des copies de ce gène-là ou accumuler des mutations dans une des copies des gènes sans souffrir de l'effet de ces mutations-là parce qu'elle a une copie supplémentaire. D'accord. Donc, c'est ce qu'on pense qui arrive la plupart du temps quand il y a une duplication des gènes. la cellule devient un peu plus résiliente, si vous voulez, ou elle est ça pardonne, c'est ça. L'autre copie qui est là, finalement, pardonne si dans l'autre, s'il y a une copie qui est abîmée. Exactement. C'est comme des copilotes d'un avion. Avion, c'est un des deux pilotes qui est malade. L'autre copilote peut piloter, puis les passagers vont pas se rendre compte. Il n'y aura aucun problème. Donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'il arrive parfois que les deux gènes, qui sont les deux nouvelles copies du gène, travaillent ensemble et ont une fonction commune. Et ce qui fait que si on inactive une des copies, on inactive en même temps la fonction de l'autre copie. Donc, au lieu d'avoir un phénomène de résilience, quand on a, en fait, on a un système qui a deux fois plus de gènes pour une fonction donnée, mais ces deux gènes-là sont nécessaires pour la fonction. Donc, au lieu d'avoir la résilience, qu'on a, c'est un peu plus de fragilité. Donc, on a plus de gènes, mais pour une seule fonction. C'est ça. Donc, c'est comme si les deux, quand il y a un pilote dans l'avion qui est malade, en fait, il contamine automatiquement l'autre pilote, puis il empêche de faire son travail. Donc, avoir deux pilotes, ça ne nous aide pas vraiment. Ce que ça fait, c'est qu'on a deux pilotes, mais si on a un qui tombe malade, l'autre est nécessairement malade aussi. Donc, ça, c'était pas attendu dans nos travaux. On s'attendait à observer ce que les gens observent habituellement, c'est-à-dire deux copies, ça protège contre les mutations. Dans notre cas, ce qu'on a vu, c'était l'inverse, en tout cas pour la moitié des gènes que nous, on a. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez observé ce phénomène-là sur tous les gènes ou seulement sur une partie des gènes? Mais là, c'est donc seulement sur une partie des gènes. Oui, donc on a fait nos travaux sur une cinquantaine de paires de gènes. Donc, ça fait une centaine de gènes. Évidemment, il y en a plus de 6000 chez l'espèce qu'on étudie, donc c'est un petit échantillon. Mais pour faire nos travaux, il fallait, donc ça demandait une modification, une ingénierie, si vous voulez, du génome de la levure. Et ça demande beaucoup de temps, donc c'est impossible quand on le fait, de faire ça sur tous les gènes. Mais ce qu'on pense, que ce qu'on a fait, on a fait un effort particulier pour essayer de choisir des gènes qui représentaient donc une grande diversité de fonctions. Donc on pense que les gènes qu'on étudie représentent une bonne diversité de gènes, donc on pense qu'ils sont représentatifs, et donc ce qu'on a observé, ça devrait s'observer aussi chez une grande fraction des gènes. Même si on les a pas étudiés, on peut inférer que ça affecte aussi ces gènes. Mais j'aimerais savoir, parce que donc il y a des gènes pour lesquels effectivement c'est pas un avantage d'avoir deux copies, puis il y a des gènes pour lesquels c'est quand même un avantage. Est-ce que vous avez observé si c'est une catégorie de gènes en particulier pour lesquels c'est un avantage et inversement? Ben, on a un mécanisme moléculaire. En termes de fonction, on n'a pas découvert de fonction qui est associée avec une catégorie ou l'autre, spécifiquement. Mais en termes de mécanisme moléculaire, ce qu'on a observé, c'est que ce qu'on sait que les gènes font, en fait, ça c'est connu depuis longtemps, les gènes, eux, contiennent l'information pour construire des protéines. Donc, chaque gène contient l'information pour construire une protéine particulière. La façon dont les protéines fonctionnent, c'est qu'elles s'assemblent entre elles pour faire leur travail dans la cellule. Donc, une protéine travaille rarement seule, elle doit s'associer avec d'autres protéines. Les paires de gènes dupliqués qui, eux, ont des fonctions dépendantes, donc, quand ils dépendent l'un de l'autre, ils ont tendance à, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils codent pour des protéines qui interagissent entre elles. Donc, ces deux protéines-là qui ont été dupliquées, maintenant produisent deux protéines, et les deux protéines s'associent physiquement. Et c'est cette association-là physique entre les deux protéines qui fait qu'elles sont dépendantes les unes des autres. Alors que dans les cas où on étudie les paires qui, elles, sont pas dépendantes les unes des autres, puisqu'elles sont capables de se compenser, si vous voulez, quand il y a une perte d'un ou d'autre des membres de la paire, dans ce cas-là, les protéines n'interagissent pas entre elles. Donc, c'est vraiment l'association physique des protéines qu'on pense qui crée cette dépendance. D'accord. Donc, quand elles ont besoin de travailler ensemble, il faut que les deux copies du gène soient là. Puis, si c'est des protéines qui peuvent travailler indépendamment, à ce moment-là, s'il y a une copie du gène qui est malade, l'autre peut compenser. Exactement. C'est exactement ce que vous résumez très bien, ce qu'on a trouvé. Ouais. D'accord. Donc, en voyant ce processus-là, est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats qui sont obtenus donc chez un organisme unicellulaire comme la levure à un organisme plus complexe, donc un mammifère ou nous-mêmes? Oui, c'est une bonne question, parce qu'on pense qu'il y a certaines observations qui étaient difficiles à expliquer, qui ont été faites chez l'humain, par exemple, au cours des années, puis on pense que nos travaux peuvent peut-être aider à expliquer ça. Donc, une des observations qui a été faite, c'est que les gènes, les mutations qui causent des maladies chez l'humain, donc des maladies génétiques, ont tendance à ne pas survenir dans des gènes qui ont été dupliqués, donc les gènes pour lesquels il y a plusieurs copies. Donc, ce que ça suggère, c'est vraiment qu'avoir plusieurs copies de certains gènes, ça protège contre les maladies, parce que si on inactive une des copies, les autres copies peuvent faire le travail. Ça, c'est d'un côté, les gens observaient ça. Donc, comme ça confirme ce qu'on savait, que la duplication des gens pouvait protéger contre l'effet des mutations. Il y a d'autres observations qui ont été faites où les gens observaient plutôt le contraire, c'est que les mutations qui ont un effet dominant, c'est-à-dire que quand on a une seule copie d'un gène qui est muté, avaient tendance à être associées plus souvent avec des maladies génétiques. Donc, on avait des observations qui étaient contradictoires. Dans certains cas, on pensait que ça protégeait, dans d'autres cas, que ça rendait plus sensible, plus fragile aux mutations. Et donc, on pense que le mécanisme qu'on a identifié permettrait peut-être d'expliquer ces résultats-là contradictoires. Donc, peut-être que dans les cas où les gènes, l'éducation des gènes protègent contre les maladies, c'est des gènes qui sont capables de coder pour des protéines qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. Alors que dans l'autre cas, ce serait des protéines qui dépendent les unes des autres. Ah oui. Et donc, on n'a pas testé ça spécifiquement, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire dans le futur, d'aller voir chez les humains. Est-ce qu'on est capable d'expliquer justement ces contradictions-là qui sont présentes dans la littérature avec le mécanisme que nous, on identifie dans un organisme plus simple. Oui. Et pour finir, M. Landry, et pour revenir au mécanisme de l'évolution, est-ce que vos résultats, ça permet de mieux comprendre les mécanismes de l'évolution, de la sélection naturelle? Bien, ça permet de remettre en perspective, si vous voulez, le rôle de la sélection naturelle dans l'évolution de la complexité. On a souvent, historiquement, les biologistes ont pensé que les génomes plus complexes ou les organismes plus complexes étaient plus complexes parce qu'ils avaient été favorisés par la sélection naturelle au cours de l'évolution. Là, ce qu'on vient d'identifier, en fait, c'est un cas où on a le nombre de gènes ou un gène qui a été dupliqué. Et maintenant, la cellule est prise avec deux gènes, mais pour une seule fonction. Donc, on a eu, si vous voulez, quelque chose qui est devenu plus complexe dans l'évolution, sans pour autant augmenter des nouvelles fonctions, sans pour autant gagner en performance. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'observer une complexification des organismes sans faire appel à la sélection naturelle. Ah oui. Donc, sans expliquer comment fonctionne la sélection naturelle, ça permet d'expliquer l'évolution de la complexité sans faire appel à la sélection naturelle. Donc, c'est toujours important qu'on étudie un phénomène en science comme la sélection naturelle, d'avoir une hypothèse alternative qui est que les choses peuvent évoluer sans faire appel à cette force-là qui est très importante. Et personne ne remet en doute le rôle de la sélection naturelle. Mais ça n'est pas toujours une hypothèse alternative. Et dans ce cas-là, nos résultats semblent suggérer que dans certains cas, on n'a pas besoin d'évoquer la sélection naturelle pour expliquer la complexification de certains systèmes, en tout cas au niveau moléculaire. Et donc, vraiment, pour finir et très rapidement, vous orientez vos travaux vers quelle avenue maintenant? Ben maintenant, ce qu'on essaie de reconstituer l'histoire évolutive de ces gènes dupliqués-là, parce qu'on sait que dans certaines espèces proches de la levure qu'on étudie, certains gènes qui ont été dupliqués dans l'espèce qu'on étudie n'ont pas été dupliqués dans les autres espèces. Donc, on essaie de reculer dans le temps. Donc, si vous voulez aller voir on peut utiliser les séquences des génomes pour reconstituer dans le temps, dans le passé, ce qui était la séquence des génomes ancestraux. Et comme ça, on est capable de reconstituer la séquence des protéines avant qu'elles soient dupliquées et après la duplication. Comme ça, on peut aller voir dans le temps qu'est-ce qui est arrivé pour que certaines protéines deviennent dépendantes alors que d'autres ne sont pas devenues dépendantes. Oui. On recrée, si vous voulez, l'histoire évolutive en laboratoire. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. D'accord. Monsieur Landry, on va vous souhaiter une bonne continuation dans cette recherche pour éclairer ces mécanismes de l'évolution. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications, Monsieur Landry. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis donc, je rappelle que Monsieur Landry est professeur au département de biologie à l'Université Laval. On va changer de registre, on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de la carpe asiatique.